Vous êtes là depuis longtemps? Je suis là depuis 10 minutes. Vous habitez à Paris depuis longtemps? J'habite à Paris depuis 13 ans. Vous êtes marié depuis longtemps? Je suis marié depuis 5 ans. Vous faites du piano depuis longtemps? Je fais du piano depuis 6 mois. Il pleut comme ça depuis longtemps? Il pleut comme ça depuis une semaine.